amène à un voyage au tropique. En vous pressant les week-ends tropicaux. Son, salsa, cumbia, reggaeton, romántica, vallenato y rock en español. ¡Que comience la fiesta! Cannonballs Attack, une émission 100% dédiée aux sonorités techno hardcore. Du plus catchy au plus corrosif. En passant par l'abstrait et les mélodies accrocheuses. Cannonballs Attack, une émission de découverte le samedi soir de 22h30 à minuit sur les ondes de Shiz 94.3. Bonsoir à tous et bienvenue à une toute nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire cette semaine. En fait, ce soir, 2 octobre 2013, on vous avait préparé une émission toute savoureuse, toute riche sur le chocolat. Donc, le chocolat, une histoire savoureuse. Donc, ici Kim, je suis en compagnie ce soir de Joseph. Salut Kim. De Laurence. Allô? Hey, je n'étais pas supposé parler. Tu n'étais pas supposé... Oh, je m'excuse, mon Laurence. Et d'une toute nouvelle animatrice qu'on accueille dans l'équipe cet automne, Marie-Claude Dionne. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Kim. Donc, on a eu la chance de l'entendre cet été, en mois de juillet. On l'a reçue en entrevue pour nous parler d'archéologie. Donc, ceux qui l'ont écoutée, vous vous en souviendrez probablement. Donc, elle nous a fait une si belle impression qu'on a décidé de garder avec nous. Donc, elle va être à quelques reprises avec nous au cours de cette saison. Et puis, cette semaine, on vous parle de chocolat. Donc, on va faire un peu, on va retracer cette histoire du chocolat, des premières origines avec Marie-Claude, en passant par l'arrivée en Europe et la consommation en Nouvelle-France avec, évidemment, le spécialiste de Nouvelle-France, Joseph. Et moi, je parlerai à la toute fin de l'émission de l'industrie chocolatière qui va prendre son envol, surtout au 19e. Mais avant toute chose, on va commencer avec nos éphémérides. Joseph? Non, c'est Marie-Claude. Non, c'est Marie-Claude. Marie-Claude, vas-y. C'est moi qui vais commencer. C'est toi qui parles le bal. Alors, le 2 octobre 1518 fut signé l'un des nombreux traités de Londres qu'on a pu voir. Le cas qui nous intéresse aujourd'hui consiste à un pacte de non-agression. Donc, entre autres, ça a pour objectif de garder la paix entre plusieurs États, plusieurs pays. Et le plus connu de ce type de pacte de non-agression est le pacte qui a été signé au mois d'août 1939 à Moscou, le pacte Molotov-Ribbentrop. Alors, c'est un pacte qui était un pacte germano-soviétique. Mais pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, ce traité de Londres, il engageait entre autres l'Angleterre, la France, l'Espagne et le Saint-Empire romain germanique à entretenir des relations plutôt amicales et à venir en aide à tout signataire de ce traité dans le besoin. Tout en couronnant les deux dernières années qui étaient plutôt sur un ton belliqueux pour la plupart de ces pays, entre eux, ce traité a instauré une Angleterre au front, à la tête de la diplomatie européenne. En plus, elle l'a sortie de son isolation politique, faisant d'elle une alliée désirable pour les pays du continent européen. Ce tour de passe-passe fut mené par le cardinal Thomas Wolsey, tout juste nommé légat pontifical, pour accomplir cette grande mission de paix dans l'Europe. C'était une paix qui était voulue par le pape Léon X. On voit alors Thomas Wolsey comme l'arbitre de l'Europe, qui tente d'accommoder le plus possible tous ses signataires, comme il veut, comme il concevait. Et c'est donc pendant que l'Europe vivait des problèmes internes qu'on voit se signer traité pour avoir un front unifié. En fait, c'était pour combattre l'ascension d'un nouvel ennemi, l'Empire ottoman, qui était gouverné par le sultan Selim Ier. Cette menace grandissant aux côtés de l'Europe ne plaisait guère donc au pape régnant. Et on va voir assez rapidement que ce traité-là va prendre fin parce qu'il va y avoir des guerres de toute manière entre l'Angleterre et la France. Alors, de mon côté, il y a de ça 113 ans, le 2 octobre 1900, on voit la pose de la pierre angulaire du pont de Québec. Alors, c'est un événement à proprement dit monumental pour la région de Québec. Après tout, le seul moyen de traverser le fleuve est soit par barque ou en attendant que le fleuve gèle, et tout en espérant que, malgré tout, les conditions soient optimales pour faire la traverse. Alors, on imagine l'excitation ressentie par la population lorsque la Québec Bridge and Railway Company entame la construction du nouveau pont. On va choisir le point le plus étroit entre les deux rives, vous le construire, un peu à l'extérieur de Québec, bien que les gens auraient préféré le voir un petit peu plus près du centre-ville, qui d'ailleurs, opinion qui a toujours pas changé de nos jours. Alors, la construction formelle commence bel et bien 3 ans plus tard. Le pont de Québec, comme la plupart de nos auditeurs vont se souvenir, devient rapidement tristement célèbre dans la mémoire du Québec. Après près de 4 ans d'efforts, le pont va s'effondrer dans le Saint-Laurent, cédant à son propre poids qui avait été malheureusement mal calculé par les ingénieurs. Le désastre va tuer plus de 3/4 des 100 employés qui s'y trouvaient. Alors, non content de son premier coup, le sort voudra s'imposer à nouveau le 11 septembre 1916, une date décidément consacrée au désastre, alors que la partie centrale du pont de remplacement tombe à son tour dans la rivière, faisant cette fois-ci 13 victimes. Alors, la construction enfin terminée l'année suivante, le pont aura coûté au final 25 millions de dollars et la vie d'environ 90 personnes. Et c'est triste et on s'en va avec une éphéméride un petit peu plus joyeuse. 2 octobre 1922, c'est l'inauguration de la première station radiophonique francophone en Amérique du Nord, CKAC, qui, bon, justement, le 2 octobre va être inaugurée officiellement avec la diffusion d'un concert, mais bon, elle a été inaugurée en octobre, mais elle va commencer à émettre des émissions un peu plus régulièrement en septembre. Et évidemment, elle avait été créée au mois de mai, donc ça sort pas du néant. Elle a été fondée par le quotidien La Presse et lors de sa création, justement, la station va émettre à partir d'un poste de téléphone sans fil qui est installé sur le toit de l'immeuble de La Presse sur la rue Saint-Jacques à Montréal. À l'époque, la radio, évidemment, n'est pas encore un média très présent au Québec. La preuve, on ne compte que près de 2000 récepteurs radio dans la province. Ce n'est que dans les milieux des années 1930 que la radio va devenir un média de masse. Et là où il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont l'écouter. Donc, ça va se développer, évidemment, beaucoup dans les années 30 au Québec. En 1935, c'est justement sur les ondes de CKAC qu'on peut entendre le premier radioroman québécois qui s'appelait « Le curé du village ». On est évidemment dans une période qui est très... à savoir encore très, très religieuse. Beaucoup. Aujourd'hui, aux aventures du curé du village. Le curé du village. Dans les années qui suivent, évidemment, la station va diffuser beaucoup des premiers radioromans où des comédiens de renom vont faire leur marque, comme Gratien Gélinas. Évidemment, la station existe toujours aujourd'hui. Elle diffuse sous le nom de Radio Circulation 730 dans la région de Montréal. Et on s'en va en musique pour l'instant avant d'amorcer cette émission toute savoureuse avec une suggestion de Joseph. Je te laisse la présenter. Alors... c'est bien entendu, on parle de chocolat, alors j'ai proposé You Sexy Thing du groupe Hot Chocolate. Sex-a-thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex-a-thing. Everything I prayed for, did you know, every night and day for, every day. Ici, Laurence Tillemant de 3100 secondes d'histoire, c'était You Sexy Things de Hot Chocolate. On parlait de ça en dehors des studios. Alors, c'est vraiment le journal La Presse qui possédait CKAC en 1900. Exactement, c'est lui qui a eu en fait l'initiative de créer cette station de radio dans les années 20. Donc, on voit que c'est pas la première fois qu'un journal contrôle une radio. Oh! Oh! On salue nos collègues d'Impact Campus. Donc, Marie-Claude, c'est à toi sur les origines du chocolat. Oui, alors on va commencer avec les origines pour savoir un peu de où et comment ça s'est passé en quelque sorte et du côté de l'archéologie, comment on y répond. Et donc, le chocolat provient du cacaotier, mais on peut aussi le dire le cacaoyer. Donc, ça se peut que je change de... Ça se dit! Les deux se disent, les deux sont des termes officiels. Bon, ben il n'y aura pas d'erreur prononcée ce soir en nombre. Exactement. Tant mieux! Et donc, c'est un arbre qui est originaire du Mexique et qui est très difficile à faire pousser. Il y a besoin d'un taux d'humidité assez élevé et de la chaleur. On en retrouve donc seulement sur une petite mince bande latitudinale entre le 20e degré nord et 20e degré sud de l'équateur. Et aujourd'hui, les chercheurs en biologie, en écologie, sont d'accord pour dire que le cacaotier est originaire de l'Amérique du Sud et que ça s'est rendu en Amérique centrale, donc dans les environs du Mexique, par l'action de l'homme. Il faut aussi ajouter que les gens qui vivaient en Mésoamérique ont tenu le cacaotier beaucoup plus en estime que quiconque ailleurs en Amérique du Sud. Et là, je m'explique. Comme toutes les femmes du monde. On peut dire ça, oui, Joseph. Mais en fait, c'est que les Mésoaméricains ont utilisé le cacaotier au niveau de la nourriture, mais aussi au niveau de la symbologie, dans les mythes, ce que les Sud-Américains n'ont pas fait. Et donc, la présence du cacaotier sur des sites archéologiques est aisément datée à 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça fait plus de 2000 ans. L'origine du mot chocolat est plutôt nébuleuse. Certains vont dire qu'il provient d'un terme d'une langue natoile et d'autres vont le rattacher à un terme de la langue maya. Au niveau de l'archéologie, on peut le retracer avec une certaine aisance. L'archéologie pourvoit de plusieurs données pour indiquer cette présence-là sur des sites archéologiques. C'est des proxys, donc c'est des données. On a entre autres les restes de fèves de cacao, des codex, qui sont des livres anciens mayas démontrant la préparation de la boisson à la base de chocolat. Il y a des listes de tribus aussi, qui sont les contributions imposées par divers rois. On va retrouver des figurines aussi, ainsi que l'analyse chimique de certaines de céramiques, où on va pouvoir trouver la trace de chocolat, des fèves de cacao aussi. Donc, on peut déjà savoir comment il a traité et qu'est-ce qu'il mettait dedans. Exactement. J'imagine. Puis est-ce qu'on trouve des emballages de caramel par hasard? Pas du tout. Franchement. Non, la seule chose qu'on va avoir qui est par rapport au cacao, c'est la céramique, c'est les récipients, en fait. Ah. Donc, avec ces récipients-là, avec les analyses qu'on a faites, on a trouvé des marqueurs. Là, c'est au niveau de la chimie. Je ne m'y connais pas super bien. Mais au niveau de la chimie, il y a des marqueurs qu'on peut retrouver. Et c'est le marqueur de la théobromine qui est le marqueur officiel, disons, pour le chocolat. Et si on pense à théobroma, donc le latin, c'est l'arbre du cacaotier, théobroma, c'est le fruit des dieux. Donc déjà là, on voit J'atteste, une connotation. Ça goûte vraiment comme de la nourriture divine, mais bon. Tout à fait. Je crois qu'il n'y a personne qui peut vraiment contester. Je maintiens mon commentaire de tantôt. Oui, on est les seuls à vraiment aimer le chocolat ici, donc. Et donc, pour l'archéologie, on va trouver aussi la présence du chocolat avec sur l'iconographie de l'art olmèque, maya, zapothèque, les aztèques aussi. Donc, ce qu'on peut retrouver, ça va être sur la céramique, des monuments en pierre, les murales, des codex, comme j'ai dit. Et on va voir la présentation du cacao de façon différente. Donc, on peut voir un membre de l'élite sociale qui va s'abreuver à cette boisson chocolatée. Il y a des rituels divinatoires aussi qui sont renforcés, autant par la boisson que par la fève aussi de cacao. Et on a même déjà vu plusieurs exemplaires de jaguars qui sont recouverts de chocolat. Donc, c'est comme les lapins de Pâques d'époque. Exactement. Et c'est une thématique qui va relever beaucoup du sacré. Donc, ce que tout ça nous rapporte comme information, c'est qu'il y a une importance réelle du cacao au sein des civilisations d'Amérique centrale. En fait, le cacao était un élément important pour l'élite et aussi une composante significative de la mythologie. On peut penser aux relations de voyage de Diego Garcia de Palacio qui, en 1576, va parler des prisonniers qui sont sacrifiés, qui ont apporté un collier fait des cabosses, donc c'est le fruit du cacaotier, ou bien porter les fèves de cacao. Là, reste à savoir c'était quoi exactement la signification d'un tel geste, en fait. Et donc, le cacaotier est identifié à un conduit métaphorique par lequel l'âme de l'humain et des dieux peuvent voyager. Donc, il y a vraiment toute une symbolique mythique et symbolique. Est-ce qu'on utilisait, bon, évidemment, le chocolat, on devait le consommer et puis ça devenait aussi un objet rituel, c'est-à-dire une espèce de lien entre les dieux et les hommes. Mais est-ce qu'on l'utilisait de d'autres façons? Est-ce qu'il pouvait être utilisé comme monnaie d'échange, par exemple? Probablement. La fève en tant que telle. La fève en tant que telle. Pas parce le que, chocolat. Le chocolat. Ça se lie un peu. Le chocolat était sous forme de boisson liquide, donc il ne pouvait pas être transporté sur de très longues distances. Donc, on parle vraiment du cacao, de la fève de cacao, qui était utilisée comme monnaie d'échange, qui avait une grande valeur économique. Du fait de sa valeur spirituelle, ça devenait une monnaie d'échange par évidemment. Évidemment, parce que si ça a une grande valeur spirituelle, ça a une grande valeur économique aussi. Mais à travers les siècles, il y a plusieurs civilisations qui utilisaient des... J'ai le mot anglais, Joseph, commodities. Des commodités. Des objets de la vie de tous les jours qui servaient comme monnaie d'échange. Comme le thé, le café. En Asie, exactement. En Asie, c'était des feuilles de thé qui servaient, qui étaient dans des pierres. Comme carrément des briques de thé compressées. Exactement, ouais. Qui étaient utilisées comme monnaie d'échange. Donc, tu es en train de dire que aussi, dans les civilisations, on utilisait la graine pour monnaie d'échange. Exactement. En fait, peut-être pas sur le point de vue géographique en Mésoamérique, peut-être plus au nord, en fait, parce qu'on a vu très tôt dans l'histoire, dans le sud des États-Unis, des civilisations, les Pueblos, en fait, qui sont au Chaco Canyon, qui vont utiliser aussi la fève de cacao en tant que boisson chocolatée. Et là, ici, on ose croire que c'était vraiment en tant que commodité économique parce qu'elle venait de très, très loin, en fait. Et donc, on croit que ces réseaux d'échange-là utilisaient la fève de cacao comme monnaie d'échange, vu que c'était quelque chose de très rare, qui n'était pas quelque chose qu'on pouvait avoir rapidement et tout le long de l'année aussi. Et donc, je vais continuer. Pour Chaco Canyon, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on parle d'une date qui est assez tôt dans l'histoire. On est aux alentours de 1000 après Jésus-Christ. Et c'est sûr que, comme je disais, c'est par des réseaux d'échange. Il n'y a aucune façon que le cacaotier peut pousser, soit au Nouveau-Mexique ou en Arizona ou Utah. Ce n'est pas les bonnes conditions des températures ou d'humidité. Et donc là, on a réalisé qu'on avait des grands réseaux d'échange qui partaient du sud de l'Amérique, on parle du Mexique, ça peut être le Guatemala, et qui va monter jusqu'au nord, plus au nord, sur la ligne nordique du Mexique. Ce qui reste à trouver, par contre, c'est une ligne plus au nord que ça. Parce que pour l'instant, ce qu'on a trouvé comme preuve, c'est seulement dans le Four Corners des États-Unis, donc l'Arizona, Utah, Nouveau-Mexique, il m'en manque un. Je crois que c'est le Colorado. Et donc, plus au nord que ça, on n'en a pas encore trouvé. Mais c'est ça, c'est le problème de l'archéologie aussi, c'est qu'on ne peut pas toujours avoir toutes les données, on ne peut pas avoir toutes les informations parce qu'il nous manque la fouille archéologique derrière ça. C'était particulièrement intéressant et ça nous met l'eau en bouche, de l'eau chocolatée en bouche, pourquoi pas, pour continuer le reste de l'émission. J'espère que quelqu'un a amené du chocolat pour l'émission. Ben j'en ai, Joseph, j'en ai.

Chiz, 94,3. Étudiant de deuxième ou troisième cycle, il y a une nouvelle émission de radio mensuelle, juste pour toi. Le dernier mardi de chaque mois, à 15h, nous recevons des invités pour mettre en valeur la vie sur le campus des cycles supérieurs. L'émission est enregistrée en direct du Café Foualier et diffusée sur les ondes de Chiz. Dépêche-toi de communiquer avec le responsable de l'émission Pensée Courante. Viens nous voir au bureau de l'Allier, ton association, à la maison Marie-Sirois dans le stationnement devant le pavillon des Jardins, aelies.ulaval.ca. Tu aimes la musique de sous-sol, mais tu n'oses l'avouer? Eh bien, voici la solution à ton problème existentiel, jeune fou. L'émission Va chercher le fusil avec nul autre que MC Gilles. Et ça, c'est moi. Tous les samedis matins dès 9h sur les ondes de Chiz 94.3 FM Québec. Rejoins notre bande de fous pour le meilleur, mais surtout le pire de la musique. Et ce, gratuitement. Donc, samedi matin, 9h prochain, lève-toi et crie avec nous. Oh que oui! T'es passionné par les arts, tu tripes sur le cinéma, la littérature, l'histoire, le théâtre, la danse et l'humour. T'es toujours à la recherche de découvertes musicales. Depuis plus de 10 ans, Chérie J'arrive, c'est votre référence culturelle à Québec. Tous les jours en semaine de 16h à 17h30, avec moi, Catherine Genet, sur les ondes de Chiz 94.3. C'est à l'heure. Samedi, dimanche, 13h, on vous amène la chaleur tropicale. Radio Futura, 94.3 FM, vous amène un voyage au tropique. On vous présente les week-ends tropicaux. Son, salsa, cumbia, reggaeton, romántica, vallenato y rock en español. ¡Que comience la fiesta! Ici Louis-Edmond Hamelin, professeur émérite de géographie à l'Université Laval. Vous écoutez Chiz 94,3 FM. Vous écoutez toujours 3600 secondes d'histoire et cette semaine, on vous parle de chocolat. Et pour continuer la chronique qui m'a fait de Marie-Claude, vu que c'était arrêté, je crois, avant le contact avec les Européens, il y a Joseph qui va nous parler, en grand spécialiste de la Nouvelle-France, qu'il est justement de l'arrivée du chocolat en Europe, mais de sa consommation aussi en Nouvelle-France. Alors oui, excusez, j'ai encore un peu de chocolat de tantôt, c'était vraiment bon, merci Kim. Ça fait plaisir. Alors sur la question justement de la présence du chocolat en Nouvelle-France, la meilleure ressource que j'ai trouvée, c'était le livre d'Yvon Desloges, « À table en Nouvelle-France », publié au Septentrion en 2009. Alors, pour paraphraser l'auteur, la première mention de chocolat en Nouvelle-France se trouve dans la boutique du marchand Charles Aubert de Là, j'ai toujours la misère avec ce nom-là. La chenée, chenée, chenée, chenée, chenée. Chenée, probablement, chenée. Comme du chenée. Bon. C'est comme du chenée, oui, c'est ça. Alors, je récapitule. Charles Aubert de la chenée en 1702. Alors, on va réaliser aussi que, juste avec cette date-là, on se dit que c'est arrivé quand même assez tardivement en Nouvelle-France. Alors, premièrement, pouvez-vous deviner combien de chocolat qu'on y trouvait dans son magasin? Combien de sortes? Combien en quantité? Ben, étant donné que dans le film Open Range, une barre de chocolat voulait 5 $, pas bien bien d'après moi. Environ 118 kilos. Oh. Quand même? De variété? Ou... OK, tu parlais en quantité. Oui, en quantité, oui. Comme dans le Backstar. Oui, exactement. Si mais là, toutefois, justement, on parlait de barres. C'est pas des barres de chocolat comme aujourd'hui. D'ailleurs, pouvez-vous deviner un peu leur forme? C'est pas des barres. C'est pas des barres. Ça devait être des cylindres. Des cubes? Des tas. En billes ou en graines séchées? Oh, ouais. Un peu comme des Smarties? Ben, j'ose imaginer. Alors, justement, comme tantôt, quand on parlait de l'origine du chocolat, justement, le chocolat qu'on trouve en Nouvelle-France a principalement trois sources. Alors, soit le Brésil, la Martinique et Cuba, qui, décidément, je dirais bien qu'ils ne sont pas juste célèbres pour leurs cigares. Alors, bien entendu, il s'agit ici de chocolat pur. J'aimerais aussi inviter ceux qui n'ont jamais essayé du chocolat pur. Allez au musée du chocolat sur la rue Saint-Jean, à Québec. Ils ont des distributrices où on peut vraiment l'essayer. Puis je vais vous dire tout de suite, c'est pas mangeable. J'imagine déjà que le chocolat noir, c'est pas pour tout le monde. Quand c'est 70 puis 80 du chocolat pur, ça doit pas être particulièrement... ça doit être très goûteux, mais ça doit prendre un bon verre d'eau. Et d'ailleurs, quand on parlait de transport, on peut retrouver le... pas juste 100 grammes, on peut aussi retrouver des tablettes de 250 grammes ou de 125 grammes. Là, Kim, je suis assez pourri avec mes chiffres. Sur ta barre de chocolat, c'est combien de grammes? C'est comme une barre de Cadbury. J'ai une barre de 100 grammes. 100 grammes, OK. Fait qu'environ, mais 100 grammes, c'est quand même beaucoup, généralement. C'est un ouais, peu fait qu'on dirait comme des barres de chocolat comprimées deux fois plus gros qu'une barre de chocolat qu'on achète au magasin. C'est une bonne barre, là. Pour ceux qui la voient pas, là, c'est une bonne barre, là. C'est beaucoup de chocolat. De toute manière, ces tablettes sont spéciales dans le sens qu'on peut les incorporer, qu'on peut y incorporer d'autres ingrédients. D'ailleurs, tantôt, quand on parlait de chocolat pur, pas mangeable, on comprend qu'au fur et à mesure des années, on ajoute graduellement plus de sucre. Oui, ça, évidemment, quand ça va s'industrialiser, là, je vous en parlais tout à l'heure, là, on finit par mettre du sucre, hein, évidemment, des épices. Puis quand on invente le lait en poudre, ben, on va mettre du lait en poudre, ce qui va faire le lait au chocolat. Je te devance sûrement, mais une question qui me brûle les lèvres, comment on le consommait? Est-ce qu'on le consommait comme en Amérique latine? Ça, j'y arrive. Je veux finir avec justement, quand on parlait de, justement, tu as mentionné le sucre, on pouvait y mettre de la cannelle ou de la vanille, par exemple. Et d'ailleurs, je vais juste bifurquer vite fait, parce que souvent, on oublie que la vanille aussi, c'était quand même assez exotique, parce qu'aujourd'hui, on prend pour acquis. C'est un peu comme le mode neutre dans les goûts. Mais ça, c'est, on est devenu habitué juste depuis qu'on a synthétisé la vanille. Alors, on imagine à l'époque, vanille et chocolat faisaient vraiment quelque chose de spécial. La vanille étant un ingrédient de luxe encore aujourd'hui, ça l'était à l'époque. Oui, la vanille, la vraie vanille. Là, on parle de la gousse de vanille. Ouais. Gousse de vanille, ça coûte quand même assez cher pour une ou deux, là, donc on n'y fait attention. C'est entre 2,50$ et 5$ la gousse. Mm. Puis une gousse, c'est pour faire une recette de crème brûlée. En sait cuisiner, ça aussi. Alors, et mon cher, bon, tu ne m'as pas devancé de 6 ans, parce que justement, j'allais dire, même si on parle de tablettes de chocolat, c'est vraiment pas dans les habitudes des gens d'en manger sous cette forme. En réalité, le chocolat est plutôt vu comme un breuvage, justement, qu'on parlait tantôt en Amérique centrale. Alors, pour préparer le chocolat, certains vont servir de chocolatière, c'est-à-dire un genre de contenant utilisé pour faire fondre et même bouillir le chocolat avant de s'en servir. Mais selon Yvon Desloges, on va surtout se servir simplement de râpe à chocolat. Question de dégrainer un petit montant à la fois pour s'en servir dans les chocolats chauds. Et on va mettre de l'eau ou du lait? C'est la fameuse question là, de l'eau ou du lait dans le chocolat chaud. C'est-tu une bonne question? Je ne sais pas, mais parce je vais oser deviner. Tellement le goût. Je vais oser deviner. Certains mettaient de l'eau, certains mettaient du lait au goût. Ça devait dépendre. Malheureusement, pas de réponse définitive, mais j'ose penser que c'est assez facile de dire les Québec, deux. Au Québec, on avait du bon lait, donc on devait... En tout cas, je m'éloigne un petit peu du sujet, je vais te laisser poursuivre. Mais là, justement, il faut se rappeler que le chocolat, c'est un luxe. D'ailleurs, on va même imposer une taxe sur son importation, malgré qu'on impose une taxe pas mal sur toutes les importations alimentaires, comme le thé, le café, etc. Malgré que le thé était vraiment pas commun en Nouvelle-France, au point que, même lorsque les Britanniques sont arrivés, il y en a qui riaient un peu de certains Canadiens qui préparaient du thé, nouvellement arrivé, comme on préparait du café. Alors, comme on disait tantôt, le chocolat va être importé tardivement en Nouvelle-France. Comme le démontre un tableau dans le livre de Desloges, le chocolat se fait importer plutôt au 18e siècle. En 1733, on recense 1200 kilos dans les actes d'après-décès. Vite de même, pour un individu, ça semble énorme, mais en réalité, quand on compare vis-à-vis une population de 32 000, on voit que c'est vraiment un breuvage réservé pour l'élite, donc en très petite quantité. C'est vraiment après la conquête qu'on voit que le chocolat faire le chemin en dehors des villes capitales de la colonie. Et même là, ça ne sera pas la ruée vers les lapins de Pâques, si j'ose dire. Parce qu'entre 1639 et 1799, Desloges recense que 18 individus qui ne sont pas des marchands, dont le chocolat figure dans l'inventaire d'après-décès. Oh, c'est pas beaucoup. Alors, une petite question, c'est où les Anglais s'approvisionnaient? Parce que les Français s'approvisionnaient dans les Caraïbes quand ils avaient les colonies là-bas. J'ose penser à la même affaire, parce que les Britanniques aussi avaient des colonies dans les Caraïbes. OK. Donc, non, vraiment, je dirais que c'est le même endroit. Donc, le chocolat change pas vraiment quand il y a un changement de régime. Là. C'est vraiment la même provenance. Hein? Sans doute, oui. Okay. Alors, comme j'allais dire, les amis, quand croyez-vous qu'on buvait notre chocolat en Nouvelle-France? Est-ce que c'est un dessert? Est-ce que... Comme dans quel temps de la journée environ? Marie-Claude? Mais moi, j'opterais pour après le souper. Eh bien, notre cher Père Calme, le célèbre Suédois qui va visiter la colonie pendant les années 1740, va mentionner que les Canadiens aiment bien consommer le chocolat, en particulier au déjeuner, un peu comme un le café. Oui! Ah, ça explique peut-être même mon affinité pour du lait au chocolat le matin. Moi aussi, sais-tu? Alors, c'est sans doute du fait que le chocolat semble aller de pair avec le café, comme je disais. Pensez-y. Parce que le chocolat, à l'époque, est loin d'être aussi sucré qu'aujourd'hui. Même, il est assez amer. Ce qui fait qu'avec un peu de... un peu au café, pardon, j'allais dire, ça, ce qui fait penser un peu au café, pour ceux qui veulent avoir une idée de l'amertume du chocolat dans son état plus pur, je vous invite encore d'aller voir le musée du chocolat. Le musée Érico, je crois. Que c'est oui, c'est ça, c'est Érico, c'est ça. Oui. J'essaie de me rappeler tantôt. Alors, bref, et surtout, ce qui est super le fun, c'est quand on se promène chez Érico, chaque saison, il y a une nouvelle vitrine, toute une scène fabriquée en chocolat. Sauf ma question, c'est qui est-ce qu'il mange à la fin? Oh. Ça, c'est des chanceux. Bref. Alors, ce qui est intéressant, parce que là, ça va intéresser Marie-Claude, notre chère archéologue dans l'équipe, le lien entre le chocolat et le café fait que les archéologues ont souvent la difficulté à différencier entre la vaisselle qui doit être utilisée pour le café et celui pour le chocolat, parce qu'ils sont très, très semblables. Là, je ne m'y connais pas vraiment dans les détails, mais ça a l'air que des fois, juste le couvercle peut faire la différence. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver dans mon article archéologique c'était quoi la nuance. Mais en même temps, on ose imaginer que... c'est un vaisselier qui est quand même assez... qui devait être semblable. Assez semblable que... Oui. Pourquoi prendre la peine de d'en acheter d'autres si t'as déjà quelque chose qui va faire la job pour fondre ton chocolat? Alors, bref, il reste avec la Nouvelle-France. C'est à peu près ce qu'il y a à dire avec le chocolat parce que ça m'étonne que j'ai pas trouvé d'autres recherches plus approfondies sur le sujet. J'ose penser que s'il y a un étudiant qui nous écoute en ce moment et qui sait pas trop quoi faire pour sa maîtrise, écrivez de quoi sur le chocolat. Et s'il vous plaît, écrivez-nous avec vos résultats. On aimerait bien savoir tout ce qu'il y a au sujet du chocolat en Nouvelle-France. Peut-être un petit appel à Catherine Ferland là, qui nous parlait de boissons et bon, de ce genre de produits. Peut-être que, je ne sais pas, l'histoire du chocolat, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très fouillé et qui pourrait être particulièrement intéressant. En tout cas, ça serait très savoureux. Moi, je serais très curieuse d'en apprendre un peu plus. Et alors, d'ailleurs, Kim, je pense que tu vas nous parler justement de la prolifération du café chez la masse. Du chocolat. Ça, je vous reviens ça après la pause, justement, l'industrialisation du chocolat et surtout sa démocratisation. Mais ça, on vous reviendra après la pause. Maintenant, on s'en va avec Chocolat de Thomas Fersen et par la suite, une petite pièce que j'affectionne particulièrement. C'est Chocolate Spanish Dance qui est issue de Casse-noisette de Tchaïkovski. Ma cigarette sur l'oreille, et mes grosses lunettes de soleil, leur ont mis la puce à l'oreille, alors qu'ils baillaient aux corneilles. Mes chaussures à museau de rat ont chatouillé leur odorat, mais comme ils n'avaient rien à fiche, ils ont détaché leur caniche, et le chien s'est jeté sur moi. Il a mangé mon chocolat, il a mangé mes granolas. Puis ils m'ont léché les doigts. Ils ont goûté la farine. Ils ont goûté l'aspirine. Ils ont goûté le savon. Mais le savon c'est pas bon. Oh non, y'a des perdons dans mes chaussettes. Des poulets dans mon bermuda. Dans mon masque et dans mon tuba. Et sur mon gros radio cassette. Ils ont écouté la musique qui provenait de Jamaïque. Ils ont écouté du pop tout en fouillant ma garde-robe. Et le chien s'est jeté sur moi. Il a mangé mon chocolat, il a mangé mes granolas. Et puis il m'a léché les doigts. Ils ont goûté la farine, ils ont goûté l'aspirine, ils ont goûté le savon. Et le savon c'est pas bon. Y'a la volante dans mes calcifs. Ils sont pourtant inoffensifs. Ils ont même l'air un peu gênés. Ils pensaient pas s'oxygéner. Ma valise elle est décousue. Elle tire une langue de tissu. Elle a un gros derrière carré. Mais elle n'a rien à déclarer. Le chien s'est jeté sur moi. Il a mangé mon chocolat. Il a mangé ma confiture. Puis il m'a léché la figure. Je suis entouré de flics qui cherchent la Jamaïque. La Jamaïque elle est plus là. Elle était dans le chocolat. Oh oui. Cheese, 94,3. Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94,3 FM. Oh! Ah, OK. De retour à l'émission sur le chocolat. Alors, oui? Kim va poursuivre ce que Joseph nous parlait. Logiquement, on est rendu à l'ère industrielle. Donc, Kim? Oui, donc l'ère industrielle, c'est une ère où on peut dire que le chocolat se démocratise. Autant avant le contact avec les Européens et quand les Européens commencent à le consommer, autant que c'est pour les élites, hein, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, autant à partir du 18e, mais surtout le 19e siècle, qui est la période de la Révolution industrielle, le chocolat va être de plus en plus populaire. On va en produire de plus en plus de variétés, avec de plus en plus de techniques nouvelles, et donc on va en produire de plus en plus, point. Donc, ce qui fait que les prix vont baisser, et les gens vont pouvoir en consommer de plus en plus. Mais bon, ça, c'est quand même un petit résumé de 30 secondes d'un peu l'ère industrielle. Évidemment, je vais quand même mettre un peu plus de chair autour de l'os. Je vais séparer ça en trois. Donc, on a le 18e, qui est une ère où on voit comme naître un peu quelques premières industries, quelques premiers commerces qui vont produire le chocolat, mais c'est très timide. Mais c'est de noms. Vous écouterez bien les noms des producteurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore actifs aujourd'hui. Le 19e, c'est vraiment l'ère de la démocratisation, de la production. En veux-tu, en veux-tu du chocolat? T'en veux-tu de quelle sorte tu le veux? Puis bon, t'en veux quelle quantité finalement? Et le 20e, on va raffiner un peu quelque sorte, mais c'est vraiment juste des nouvelles sortes qu'on essaie, puis bon, les barres de chocolat. Et puis là, on va vraiment faire le lien avec aujourd'hui, parce que c'est là qu'on voit le chocolat comme on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire des palettes de chocolat avec un grand verre de lait. Bref, donc ça, c'est vraiment le résumé. On commence avec le 18e. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le 18e. Autre que, ben, en fait, c'est ce que je disais, on voit naître cette industrie du chocolat en Europe et aux États-Unis. Donc, étrangement, l'Espagne est le pays, en fait, là, qui va découvrir d'une certaine façon le chocolat, donc le pays européen, évidemment, parce qu'évidemment, c'était la Mésoamérique qui l'avait au début. Mais c'est pas elle qui va le produire de façon industrielle, ce qui est vraiment étrange et je ne saurais dire pourquoi. Oui, parce que curieusement, c'est quand même eux qui détiennent les colonies principales où on s'imagine se trouve le chocolat. Et ce qui est très étrange, c'est qu'ils vont garder le chocolat secret, ce qui fait qu'au 17e, évidemment, le 17e, c'est une période où il y a quand même beaucoup de guerres, il y a beaucoup de conflits entre bon, les grandes puissances, Espagne, Autriche, France, Angleterre, mais l'Espagne va garder ça pour elle. Ce qui fait que quand il va y avoir interception de bateaux, de cargaison où il y a des fèves, hein, parce qu'on en amène, évidemment, on sait que c'est bon, fait qu'on en amène en Espagne, ben les Anglais, les Français vont brûler les cargaisons sans même savoir ce que c'est puis qu'est-ce que ça vaut, tellement ils veulent garder ça pour eux. Donc, c'est peut-être pour ça que l'Espagne n'a pas tant produit de chocolat, mais quand ça va finir par arriver, parce que ça va arriver bon, avec les liaisons diplomatiques, le roi épouse une telle, ce qui fait que, ben évidemment, il va y avoir des contacts qui vont se faire, là, on va tranquillement aller vers une production de chocolat. Donc, on va vraiment commencer avec la première chocolaterie industrielle. Est-ce que vous savez d'où elle était? Suisse. Suisse, ça, hein, c'est une bonne... Belge. Belge, non, pas du tout. Oh. C'est surprenant. Pour la France. Non, pas du tout. C'est l'Angleterre qui a le premier produit. C'est étrange quand même parce qu'évidemment, par la suite au 19e, il y a beaucoup, beaucoup de Suisses et de Belges qui vont produire du chocolat. D'ailleurs, c'est vraiment ceux qui sont les plus importants. Mais non, c'est la G.S. Fry & Sons qui est fondée en 1728. On y produit... On y produit beaucoup de chocolat qu'on va vendre aux pharmacies étrangement parce qu'on consomme pas le chocolat nécessairement parce qu'il est bon. Oui, hein, ça entre en ligne de compte, évidemment. C'est quand même pas un faible... On va quand même utiliser le goût, mais c'est beaucoup parce qu'on va utiliser, on va exploiter les vertus médicinales du chocolat. Donc, on va beaucoup le vendre à des pharmaciens et à des apothicaires. Évidemment, les cuisiniers vont avoir leur droit de parole. Ils vont en commander aussi. Aux États-Unis, le premier producteur de chocolat, et c'est près de 50 ans plus tard, c'est en 1764. Il va réouvrir en 1780 parce qu'il va changer de nom sous le nom de la Baker Chocolate Company. Baker Chocolate Company. Donc, ça, c'est les mots de chocolat à l'épicerie. Ma mère me tapait tout le temps ses doigts. Mange pas ça, c'est pour... C'est pour les recettes. C'est pour les recettes. Les sucrés, les gros carrés avec la petite madame dessus. C'est exactement ça. La première chocolaterie industrielle française va ouvrir, bon, dans ces environs-là, c'est en 1770, sous le nom de la Pelletier et compagnie. Donc, on a quelques chocolatiers. Moi, je ne la connaissais pas non plus, je vous dirais. Donc, il y a quand même un certain nombre de compagnies qui vont produire du chocolat, mais là encore... C'est beaucoup pour ses vertus médicinales et puisque c'était des niches très précises, il y a fort à parier qu'il n'y a pas grand monde qui pouvait en consommer. C'est pour ça que je dis que le 19e, c'est vraiment l'industrialisation, la démocratisation du chocolat. Donc, on voit la naissance des premiers producteurs au 18e. Le siècle suivant, c'est justement la révolution industrielle va beaucoup profiter évidemment aux techniques de production, le textile, etc. Mais le chocolat aussi va pouvoir en bénéficier. Et on va davantage voir le produit pour son goût, pour le plaisir qu'il va procurer, que pour ses vertus médicinales. Et Kim, est-ce qu'on sait c'est la forme que prenait le chocolat? Parce qu'on savait qu'à l'époque, la Nouvelle-France, il y avait des petites billes, mais... Plus tard, est-ce que c'est toujours sous la forme de ces baies-là ou c'est des... Ou encore comme les tablettes compactées? Bien, ça va se raffiner, évidemment, avec les techniques. On va beaucoup travailler les techniques pour pouvoir faire des sortes de chocolats différents. Évidemment, plus ça va se commercialiser, plus ça va être des tablettes de chocolat. J'y reviendrai par la suite. Et au 20e, on va voir des palettes de chocolat. Ce que je veux dire par palette de chocolat, c'est des barres de 30 à 50 grammes qu'on achète au dépanneur. Mais c'était vraiment... ça va vraiment évoluer. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au 19e, la forme de chocolat va vraiment être très diversifiée. Par exemple, la poudre de cacao va révolutionner l'industrie, hein, parce qu'évidemment, on en fait de plus en plus... On va faire des produits de plus en plus facilement. Ben d'ailleurs, c'est comme Fry, elle est le plus reconnu justement, à l'épicerie, comme étant des petits voilà, bocals de poudre, de justement. De poudre de chocolat. Donc, on va... les formes vont tellement se diversifier que ça va justement le rendre plus facile à consommer, à utiliser. Et puis, monsieur, madame, tout le monde va pouvoir commencer à l'incorporer dans ses propres recettes. Donc, la poudre de chocolat de cacao va être créée aux Pays-Bas en 1828. Le chocolat noisette va être inventé en Suisse en 1830. La tablette de chocolat, donc la forme, va énormément changer, est créée par le chocolatier Meunier en 1836. Donc déjà, au tout début de l'ère industrielle, on a des tablettes de chocolat qui sont comestibles. Bien, comestibles, évidemment, c'est du chocolat, mais qui sont... comestible, c'est-à-dire on la prend, on la mange, puis ça finit... Ouais, comme du prêt à emporter, bref. Du prêt à emporter, on va dire ça comme ça, du prêt à emporter. Par la suite, ce qui va vraiment changer, ce qui va être un game changer, c'est l'évaporation du lait. Parce que un certain Henri Nestlé, un Suisse, en 1866, va créer une technique pour évaporer le lait. Donc, avec cette poudre de lait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mélanger au chocolat. Et donc, dans les années 1876, va inventer, évidemment, le chocolat au lait. Et de, si on veut, l'union entre ce premier chocolatier qui fait du chocolat au lait, qui s'appelait Daniel Peter, et M. Nestlé, ben, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va créer? Une chorale d'anges, non? peut-être, ne sait-on pas. Ce que je veux dire, c'est que ça va créer Nestlé. la compagnie agroalimentaire qui encore est très très importante de nos jours, mais ça vient c'est de toujours cette union, une des compagnies alimentaires les plus importantes au et monde. Et voilà, oui. Donc ça part de cette évaporation du lait qu'on va utiliser pour faire du chocolat, tout simplement. Donc tout part du chocolat, nourriture des dieux, ça crée plein de choses. C'est très intéressant. Comme j'ai dit, chorale d'ange. Et voilà, chorale d'ange. En 1879, un certain monsieur Rodolphe Lindt va inventer une technique pour faire du chocolat au centre fondant. Hein? Donc, je pensais dire Lindt, en forme de lapin. J'imagine qu'ils ont fait des lapins après, mais ce que je veux dire, c'est que les chocolats qu'on connaît, qu'on mange, là, qui sont crémeux et puis qu'on a juste envie de s'empiffrer, oui. Exactement, ben, ça vient de là. Et un certain monsieur Jean Tobler va inventer la Toblerone en 1899. Pas ma barre de chocolat préférée dans oui, le temps de Noël. Pas mal une de mienne aussi. Oh. C'est vraiment une très, très bonne barre. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de noms qui reviennent et c'est très étonnant de voir à quel point c'est resté. Donc, ça a plu immédiatement, oui. Puis ça a été quand même... Vous voyez à quel point le chocolat, ça peut plaire à beaucoup de monde. C'est que surtout, ça, c'est ça les compagnies, quoi. En moyenne, on a des compagnies qui ont au-dessus de 100 ans. Là. Ah oui? En ah fait, oui. Nestlé a toujours son siège social en Suisse. C'est toujours la compagnie qui peut Nestlé, mais Lindt et Baker, si je ne m'abuse, ça, c'est possédé par Kraft Food. Je suis pas ça mal sûr. Ça pourrait, parce que Kraft achète à gauche et à droite. Ben, idéal. Ben, en fait, au début, Cadbury a été fondé en 1824 en Angleterre. C'est d'ailleurs ce qui est écrit sur ma palette de chocolat que j'en ai aujourd'hui. Mais, puis Nestlé, bon, c'est Suisse. Donc, en Suisse, il y a Lindt et Nestlé qui sont dans, parmi les grandes compagnies qui sont fondées au 19e. En France, il y a Meunier, dont on en parlait tout simplement. Tantôt. Et bon, en Angleterre, il y a Cadbury. Donc, c'est dans les principales qui sont encore là aujourd'hui. Et au 20e siècle, je parlais de raffiner, de développer davantage le produit. C'est que, évidemment, le contexte se prête encore à la démocratisation. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de variétés qui sont produites. Il y a de plus en plus de techniques qui font qu'on peut en faire de plus en plus. Donc, les prix vont baisser. Ça continue. Et même là, encore une fois, au début du 20e, les prix du cacao et du sucre vont chuter. Donc, qu'est-ce que ça fait? Beaucoup de chocolat. Ça fait qu'on en produit, qu'on en consomme de plus en plus. Et au début du 20e, et puis, il y a d'autres produits qui sont encore importants aujourd'hui qu'on invente, comme la praline, hein, le fait de fourrer des chocolats avec des noix ou avec des crèmes. C'est les Belges qui ont inventé ça en 1912. Et le chocolat blanc que les Suisses ont inventé en 1930. Par la suite, avec la Première Guerre mondiale, les années 20, les années 30, on va diversifier la production, ce qui fait qu'on va créer d'autres produits, comme la barre de chocolat. Et l'une des premières, c'est la barre Mars, qui était produit américain et qui a été importé par la suite en Europe. Et avec, justement, le fait de pouvoir créer de nouveaux produits, bien, on va incorporer le chocolat de plus en plus de produits. Donc, à place de juste manger un morceau de chocolat fourré ou pas, là, tel quel, bien, on va l'incorporer à des biscuits, à de la crème glacée, à du pain au chocolat, à des boissons. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un rapport aussi, je dirais, normal et acquis au chocolat, c'est que ça se retrouve partout, c'est que justement, avec le temps, c'est devenu un produit qui a été de plus en plus consommé et accessible, mais qu'on a fini par l'incorporer à tant de matières et à tant de produits. Donc, pour nous, crème glacée, vanille au chocolat, c'est tellement acquis, mais ça vient justement de cette évolution qui a produit du chocolat de plus en plus accessible et par la suite qui est devenu un produit, une saveur finalement. Et on en mange tout le temps. On en mange tout le temps. Dans le lait au chocolat, on va en mettre dans nos desserts. Il y en a même là aujourd'hui avec à l'heure de la gastronomie expérimentale. Ça revient presque. Les restaurants, on en met dans de la sauce pour accompagner des viandes. Il y a même des massages qui se font au chocolat. Des bières. Des bières, oui. Des bières qui ont des goûts de chocolat. Et donc, on va mettre le côté chocolat en marketing pour justement produire la bière. Donc, c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, le chocolat est devenu omniprésent, mais que c'est le fruit d'une évolution de près de 250 ans. Mais à coup de pas, il y a juste Baker qui appartient à Kraft. D'accord. Parfait. Alors, le cœur est américain, donc c'est un peu logique. Alors, ma chère Kim, avec toutes tes recherches pour l'émission, as-tu réussi à découvrir le mystère de la barre caramel? Comment est-ce qu'ils mettent un maudit caramel dans ce chocolat-là? Mais ça, je pense que je l'ai déjà su, c'est un secret d'enzyme qu'ils vont mettre dans le caramel, ce qui fait que le chocolat a le temps de durcir, mais pas le caramel, et donc ils peuvent le recouvrir. Mais bon, c'est un peu compliqué, puis bon, je suis pas très bonne en chimie. Dis pas ça, donc... parce que là, Cadbury va être obligé de t'assassiner. Ah non, mais je suis même pas certaine de ce que je dis. Là. C'est ça le pire, je suis même pas certaine de ce que je dis. C'est peut-être bonne comme défense, dans la... bonne c'est défense. C'est peut-être comme dans la pub, il y a vraiment juste du chocolat, puis une madame déguisée en caramel qui se couche dessus. Là. C'est peut-être comme dans la pub. Bref, sur ça, ça fait notre panorama complet sur le chocolat, mais en tout cas complet. on s'est quand même très, très résumé. Donc, merci à tous pour cette belle émission. Une dernière question, Kim. Oui? Est-ce qu'il te reste encore du chocolat? Ben oui, t'en veux-tu, mon Joseph? S'il vous plaît. Merci. Donc, ça fait plaisir. Donc, la semaine prochaine, on vous retrouve avec une émission toute thématique sur l'action de grâce. Donc, on va démystifier l'action de grâce, les origines, mais aussi un peu là, les différences avec les États-Unis, le Canada, bon, et tout ça, le background culturel. Alors, à vos dindes. À vos dindes. Et on s'en va avec Parfait en chocolat de Tricot Machine et on vous revient la semaine prochaine. Merci. On a les oreilles au vent, les mains gelées rouges, dans nos orteils y'a plus de sang. Il faut qu'on bouge. La tempête fait pas attention à nos petits corps, je t'ai dit qu'on en avait de l'ambition. Sortir dehors. Personnellement, j'étais plus capable de voir assis à l'autre bout de la table, devant le château de cartes que j'ai soufflé pour te réveiller. On va changer d'air pour vrai, mon petit cœur, t'es mieux de te tenir prêt. J'suis pas faite en chocolat, on n'est pas faite en chocolat. Y'a des hivers qui sont longs, pis d'autres qui filent, disons que je fais le mauvais coton. Laisse-moi tranquille. À table. Rien à vous mettre sous la dent. Cet automne, Chiz vous convie à sa nouvelle quotidienne d'information, La Table d'Hôte.